الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. ثم أما بعد, ceci est le premier annexe à la nasiha, au conseil que nous avons destiné à nos frères et sœurs dans la ville de Rouen et dans d'autres régions du monde contre le danger grave et pernicieux de l'innovation de Al-Haddadiyya et de Al-Takfiriyya qui déclare les gens mécréants. Nous les avons mis en garde contre eux, contre leurs ambiguïtés et confusions. Et justement dans ce document, nous désarmons ces Haddadi et Takfiri de l'une de leurs ambiguïtés, à savoir leur propre tafsir, leur propre exégèse d'un verset du Coran, à savoir le verset 44 de la sourate La Table Servie, Al-Ma'ida. Nous nous appuyons pour cela sur le troisième chapitre d'un livre d'un cheikh égyptien salafi du nom de Ali ibn Abdelaziz Moussa. Et le livre est intitulé Ar-Radd al-Qawim ala alladhina yukaffiruna al-hukam al-muslimin, la réfutation droite contre ceux qui déclarent mécréants les gouverneurs musulmans. Donc nous allons faire défiler les propos des gens de science, des exégètes musulmans, quant au tafsir de ce verset déjà cité. Nous allons commencer par Al-Imam al-Baghawi, et nous allons lire chaque fois le texte en arabe et son essai de traduction. Donc le premier texte est de Muhammad al-Hussein ibn Mas'ud al-Baghawi rahimahullah. Il avait dit: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال قتادة والضحاك نزلت هذه الآيات الثلاث في اليهود دون من أساء من هذه الأمة. روي عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون كلها في الكافرين وقيل هي على الناس كلهم. وقال ابن عباس وطاووس ليس بكفر ينقل عن الملة بل إذا فعله فهو به كافر وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. قال عطاء هو كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. وقال عكرمة معناه ومن لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به فقد كفر ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. المصدر معالم التنزيل للإمام البغوي, الطبعة الرابعة عام 1417, دار طيبة الرياض. Traduction de ce premier texte. أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله ديدي et ceux qui ne jugent pas par ce qu'Allah avait fait descendre, les voici les mécréants. Qatada et Ad-Dahhak avaient dit, ces trois versets étaient descendus au sujet des juifs, et non pas au compte de celui qui pêche dans cette umma. Il a été rapporté d'après Al-Bara ibn Azib, radiyallahu anhu, concernant la parole d'Allah, et celui qui ne juge pas par ce qu'Allah avait fait descendre, les voici les mécréants, les voici les injustes, les voici les pervers. Et il a été dit que ces versets concernaient tous les hommes. Ibn Abbas et Taous avaient dit, ce n'est pas une mécréance qui fait sortir de la religion, mais plutôt, s'il le commet, ce serait une forme de mécréance en lui. Et ce n'est pas comme celui qui mécroit en Allah et au jour dernier. Atta avait dit, c'est une mécréance en deçà d'une mécréance, une injustice en deçà de l'injustice et une perversité moins que la perversité. Ikrima dit, et son sens est, celui qui ne juge pas parce qu'Allah avait fait descendre tout en le reniant, il mécroit. Et celui qui le reconnaît et ne juge pas avec, il est injuste et pervers. Passons maintenant au deuxième texte. قال أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي رحمه الله ومن لم يحكم بما أنزل الله يعني إذا لم يقر ولم يبين فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس من يجحد شيئا من حدود الله فقد كفر ومن أقر ولم يحكم بها فهو فاسق. روى وكيع عن سفيان قال قيل لحذيفة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون نزلت في بني إسرائيل. فقال حذيفة نعم الإخوة لكم وبنو إسرائيل كانت لكم كل حلوة ولهم مرة لتسلكن طريقهم قدر الشراك. يعني هذه الآية عامة فمن جحد حكم الله فهو من الكافرين. المصدر بحر العلوم المجلد الأول الصفحة 417 طبعة دار الفكر بيروت. Traduction de ce deuxième texte. Abu Layth Nasr ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Samarqandi rahimahullah avait dit: et celui qui ne juge pas avec ce qu'Allah avait fait descendre, c'est-à-dire s'il ne reconnaît pas et qu'il ne le montre pas et clarifie, les voici les mécréants. Ibn Abbas dit: celui qui renie quelque chose relevant des ordres d'Allah, il les croit. Et celui qui les reconnaît et ne juge pas avec est pervers. Waqi avait raconté, d'après Soufiane, l'on dit à Hudhayfa, et quiconque ne juge pas avec ce qu'Allah avait fait descendre, les voilà les mécréants. Est-ce qu'il fut descendu, c'est-à-dire ce verset, est-ce qu'il fut descendu à cause des fils d'Israël? Huzaifa répondit, oui, qui étaient vos frères et ces fils d'Israël, tout ce qui était doux était pour vous, et tout ce qui était amer était pour eux. Mais vous allez suivre leur sentier pas à pas, c'est-à-dire concernant ce verset en général. Et donc, celui qui renie la loi d'Allah, il fait partie des mécréants. Passons maintenant au troisième texte d'exégèse. قال أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي رحمه الله ومن لم يحكم بما أنزل الله مستهينا به منكرا له فأولئك هم الكافرون لاستهانتهم به وتمردهم بأن حكموا بغيره ولذلك وصفهم بقوله الكافرون والظالمون والفاسقون فكفرهم لإنكاره وظلمهم بالحكم على خلافه وفسقهم بالخروج عنه. ويجوز أن يكون كل واحدة من هذه الصفات الثلاث باعتبار حالا ضمت إلى الامتناع عن الحكم به ملائمة لها أو لطائفة كما قيل هذه في المسلمين لاتصالها بخطابهم والظالمون في اليهود والفاسقون في النصارى. المصدر أنوار التنزيل وأسرار التأويل المجلد الأول الصفحة 327 traduction du troisième texte. أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي رحمه الله ذي. Et celui qui ne juge pas selon ce qu'Allah avait fait descendre, le méprisant, c'est-à-dire méprisant ce qu'Allah avait fait descendre, le méprisant, le reniant, les voici les mécréants. À cause de leur mépris et rébellion pour juger par autre chose, c'est pourquoi il, c'est-à-dire Allah, il les avait décrits par les mécréants, al-kafirun, par les injustes, al-valimun, et par les pervers, al-fasiqun. Il les avait déclarés mécréants à cause de leur reniement, leur déni, à cause de leur injustice en jugeant contrairement à ce qu'ils stipulent, et à cause de leur perversité d'être sorti de ses jugements. Et il est possible que chacune de ses qualités soit considérée selon celui qui s'abstient de juger par sa loi, et cette qualité lui sied, comme il a été dit. Celle-ci concerne les musulmans, car elle est liée à leur adresse. C'est-à-dire qu'il s'adressait à eux, à leur adresse. Et les injustes concernent les juifs, et les pervers pour les chrétiens. Néanmoins, il y a une note ici du traducteur. Ces trois termes, c'est-à-dire al-zalimun, al-fasiqun, al-kafirun, les mécréants, les injustes et les pervers, ces trois termes s'appliquent tantôt à la mécréance majeure, tantôt à celle qui est mineure. Et il convient de voir toutes ces interprétations et les examiner pour comprendre, et non pas prendre une partie des explications et délaisser d'autres. Fin de cette note de traduction. Passons maintenant à la quatrième parole d'exégèse, et elle est de Abu al-Barakat, Abdullah ibn Ahmed ibn Mahmoud al-Nasafi, rahimahullah, qui dit: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مُسْتَهِينًا بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من لم يحكم جاحدا فهو كافر وإن لم يكن جاحدا فهو فاسق ظالم. المصدر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل، المجلد الأول، الصفحة 268، طبعة دار النفائس، بيروت. Traduction de ce quatrième texte d'exégèse. Abu al-Barakat, Abdullah ibn Ahmed ibn Mahmoud al-Nasafi, dit: et celui qui ne juge pas par ce qu'Allah avait fait descendre, le dénigrant, c'est-à-dire dénigrant le jugement d'Allah, le dénigrant, les voici les mécréants. Ibn Abbas, radiallahu anhuma, dit: celui qui ne juge pas avec, tout en le reniant, celui-ci est mécréant. Et s'il ne le renie pas, il est pervers et injuste. Voici un tafsir qu'il faut au Haddadi. Voici un tafsir des imams de l'islam. Maintenant, passons à la cinquième parole d'exégèse et d'un autre imam de l'islam. Qala Izzuddin ibn Abdissalam, rahimahullah. Wa man lam yahkum, nazalat, wal ayatani allati ba'daha, fil yahudi duna muslimin, aw nazalat fi ahli al-kitab, wa hiya amatun fi sa'irin nas. أو أراد بالكافرين المسلمين وبالظالمين اليهود وبالفاسقين النصارى، أو من لم يحكم به جاحدا كفر وإن كان غير جاحد ظلم وفسق. Traduction de cette cinquième parole. عز الدين بن عبد السلام رحمه الله avait dit: et celui qui ne juge pas, etc., est-il descendu ainsi que les deux autres versets après, c'est-à-dire celui de Al-Zalimun et celui de Al-Fasiqun, étaient descendus pour les juifs, non pas pour les musulmans, ou bien ils furent révélés concernant les gens du livre, et ils sont généraux concernant tout le monde, ou bien il veut parler mécréants, les musulmans, mais on doit préciser que signifie ici la mécréance. Donc il dit, ou bien il veut par les mécréants, les musulmans, par les injustes, les juifs, et par les pervers, les chrétiens, ou bien celui qui ne juge pas avec, tout en reniant, il mécroit donc, et s'il ne reniait pas, il est injuste et pervers. Passons maintenant à la sixième parole d'exégèse. Qala Ibrahim ibn Omar ibn Hassan ابن أبي بكر البقاعي رحمه الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولما نهى عن الأمرين وكان ترك الحكم بالكتاب إما لاستهانة أو لخوف أو رجاء أو شهوة رتب ختام الآيات على الكفر والظلم والفسق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من جحد حكم الله كفر ومن لم يحكم به وهو مقر فهو ظالم فاسق. المصدر نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. المجلد الثاني الصفحة 460 طبعة دار الكتب العلمية بيروت. Traduction de cette sixième parole d'exégèse. Ibrahim ibn Umar ibn Hassan ibn Abi Bakr al-Biqa'i rahimahullah avait dit: et celui qui ne juge pas par ce qu'Allah avait fait descendre, les voici les mécréants, et puisqu'il avait interdit les deux choses, c'est-à-dire de renier le jugement d'Allah, et il avait aussi interdit de ne pas juger avec sans pour autant les renier. Allah avait interdit les deux choses. Et puisqu'il avait interdit les deux choses, et que le fait de délaisser le jugement par le livre est dû à un mépris, ou à une peur, à un espoir, ou à une passion, il avait ordonné la fin des versets sur la mécréance, l'injustice, ou la perversité. Ibn Abbas, radiallahu anhuma, lui et son père, Ibn Abbas avait dit: celui qui renie le jugement d'Allah, il mécroit, et celui qui ne juge pas avec, tout en le reconnaissant, est donc injuste et pervers. Passons maintenant à la septième parole, l'exégèse. قال أبو بكر أحمد بن علي الجصاص رحمه الله: فإن كان المراد جحود حكم الله أو الحكم بغيره مع الإخبار بأنه حكم الله فهذا كفر يخرج عن الملة وفاعله مرتد إن كان قبل ذلك مسلما. وعلى هذا تأوله من قال: إنها نزلت في بني إسرائيل وزرت فينا، يعنون أن من جحد منا حكم الله أو حكم بغير حكم الله ثم قال إن هذا حكم الله فهو كافر، كما كفرت بنو إسرائيل حين فعلوا ذلك. المصدر أحكام القرآن، المجلد الرابع الصفحة 93 طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت سنة 1405 للهجرة. Traduction de cette septième parole d'exégèse. Abu Bakr Ahmed ibn Ali al-Jassas rahimahullah avait dit: s'il s'agit de renier le jugement d'Allah ou bien de juger par celui d'un autre que celui d'Allah, d'un autre que lui, tout en prétendant qu'il serait le sien, c'est-à-dire tout en l'imputant à Allah, alors cela est une mécréance majeure. Et son acteur est un apostat, s'il était musulman auparavant. Et c'est ainsi que l'avaient interprété ceux qui avaient dit: ce verset fut descendu au sujet des fils d'Israël, et il fut en vigueur pour nous aussi. Ils signifièrent que celui parmi nous qui renie le jugement d'Allah, ou qui jugerait, non pas par la loi d'Allah, tout en prétendant ceci, tout en disant ceci, ceci même est le jugement d'Allah. Celui qui prétend cette parole, celui-là est mécréant, comme ces fils d'Israël avaient mécru lorsqu'ils avaient commis cette chose, c'est-à-dire lorsqu'ils avaient falsifié, et lorsqu'ils avaient prétendu que ceci serait le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Passons maintenant à la huitième parole d'exégèse. قال أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي رحمه الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله كائنا من كان دون المخاطبين خاصة فإنهم مندرجون فيه اندراجا أوليا، أي من لم يحكم بذلك مستهينا به منكرا كما يقتضيه ما فعلوه من تحريف آيات الله تعالى اقتضاء بينا، فأولئك إشارة إلى من؟ فأولئك إشارة إلى من؟ والجمع باعتبار معناهما، كما أن الإفراد فيما سبق باعتبار لفظها هم الكافرون لاستهانتهم به. المصدر إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم المجلد الثاني الصفحة 245 طبع إصدار إحياء التراث العربي بيروت au Liban. Traduction de cette huitième parole d'exégèse. Abu Saoud Muhammad ibn Muhammad ibn Mustafa al-Imadi rahimahullah avait dit: et celui qui ne juge pas par ce qu'Allah avait fait descendre, n'importe lequel, c'est-à-dire quel qu'il soit, n'importe lequel, non pas seulement les destinataires qu'il y a dans ce texte, non pas seulement les juifs ou les chrétiens, non pas seulement les destinataires qu'il y a dans le texte, tous entrent dans ce verset prioritairement, tous entrent sous ce verset prioritairement, c'est-à-dire celui qui ne juge pas avec, tout en le dénigrant et tout en le reniant, comme cela découle nettement du fait qu'ils avaient falsifié les versets d'Allah. Les juifs et les chrétiens avaient falsifié les versets d'Allah Azza wa Jal. C'est pourquoi le texte s'adresse à eux clairement. Alors que pour les musulmans, ils ne renient pas le Coran al-Karim, ils ne renient pas cela. Et s'ils donc renient le jugement d'Allah Azza wa Jal, ils prennent le jugement des juifs et des chrétiens. L'imam, il continue, il avait dit, « Fa'oula'ik » c'est-à-dire « ceux-là » renvoie à men qui est au début du verset, men, c'est-à-dire celui, le pluriel vient ici pour le sens, comme le singulier vient pour la lettre. فَأُولَٰئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ceux-là sont les mécréants pour l'avoir dénigré et raillé. Voici maintenant la neuvième parole d'exégèse de ce verset. Et elle est de Cheikh al-Islam, Ahmed ibn al-Halim ibn Taymiyyah, rahimahullah. Il avait dit, « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَيْكَ هُمُ الْكَافِرُونَ » أي, « هُوَ الْمُسْتَحِلُّ لِلْحُكْمِ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ » La référence, مجموع الفتاوى, المجلد الثالث, الصفحة 268. Est-ce que les haddadis vont dire que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah est murji? Allah Moussa'an. Ils osent le dire pour l'imam al-Albani et pour l'imam Rabi' ibn Hadi. Est-ce qu'ils vont le dire aussi pour Cheikh al-Islam? Ils ne manquent que cela. Et d'ailleurs, certains parmi eux, ils recommandent de brûler les fatawas d'Ibn Taymiyyah parmi d'autres livres qu'ils recommandent de brûler. Ils recommandent de brûler le livre de Ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari, ainsi que celui de al-Nawawi, qui est un livre d'explication de Sahih Muslim. On continue avec les paroles du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il avait dit aussi, « وَإِذَا كَانَ مِنْ قَوْلِ السَّلَفِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَكُونُ فِيهِ إِيمَانٌ وَنِفَاقٌ فَكَذَلِكَ فِي قَوْلِهِمْ إِنَّهُ يَكُونُ فِيهِ إِيمَانٌ وَكُفْرٌ ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملة كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قالوا كفروا كفرا لا ينقل عن الملة وقد اتبعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة المصدر مجموع الفتاوى المجلد السابع الصفحات 350 351 الطبعة الثالثة لعام 1426 للهجرة دار الوفاء. Voici encore une troisième parole d'exégèse du Cheikh al-Islam toujours concernant ce verset. Il avait dit rahimahullah, ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر المصدر منهاج السنة النبوية المجلد الخامس الصفحة 130 مؤسسة قرطبة تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم. Traduction de la parole de ces paroles d'exégèse du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Il avait dit, rahmallah, et celui qui ne juge pas par ce qu'Allah avait fait descendre, c'est-à-dire al-mustahil, celui qui voit cette chose licite, à savoir ce péché de juger par ce qu'Allah n'avait pas fait descendre. Et il dit, rahmallah, et si nous rappelons la parole des salafs, comme quoi l'homme peut rassembler une foi et une hypocrisie. De même, dans leur parole, c'est-à-dire dans la parole des salafs, qu'ils présentent, que l'on peut présenter une foi et une mécréance, ne signifie pas la mécréance qui fait sortir de la religion. On ne peut pas trouver un homme qui a à la foi ensemble, la foi, c'est-à-dire l'iman, et il a la grande mécréance. Sinon, les salafs n'auraient pas dit que l'homme peut présenter iman ou kufr. C'est le kufr al-amani qu'ils veulent. Donc, ce n'est pas le kufr al-mukhrij min al-millah. Ce n'est pas la grande mécréance. Et le cheikh continue. Comme avait dit d'ailleurs Ibn Abbas et ses disciples concernant la parole d'Allah. Et celui qui ne juge pas parce qu'Allah avait fait descendre, les voici les mécréants. Il avait dit, ils ont dit, ils avaient mécru d'une mécréance qui ne fait pas quitter la religion. Et Ahmed ibn Hanbal, ainsi que d'autres imams de la Sunna, les suivirent dans cette interprétation. Est-ce que les Haddadi vont considérer tous ces gens comme étant des murjis? Et pour la troisième parole d'exégèse du Cheikh al-Islam, voici, en voici la traduction. Il avait dit, et il n'y a nul doute que celui qui ne croit pas en obligation, celui qui ne croit pas en obligation de juger parce qu'Allah avait fait descendre sur son messager, celui-là, cet homme qui pense ainsi, qui croit cette chose, celui-là serait mécréant. Celui qui considère qu'il est licite, qu'il juge entre les gens par ce qu'il voit lui-même comme étant de la justice, sans devoir suivre ce qu'Allah avait fait descendre, cet homme est mécréant. Passons maintenant à la dixième parole d'exégèse d'un autre imam de l'islam. قال الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله. Il avait dit, ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون لأنهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا. المصدر تفسير القرآن الكريم العظيم لابن كثير. تفسير القرآن العظيم تحقيق سامي بن محمد سلامة دار طيبة للنشر والتوزيع الصفحة 120 من المجلد الثالث. Traduction de cette dixième parole d'exégèse. Donc الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله avait dit, et celui qui ne juge pas parce qu'Allah avait fait descendre, les voici les mécréants, car ils avaient renié le jugement d'Allah de leur plein gré, tout en le préméditant et en le contrariant exprès. Voici pourquoi ils étaient des mécréants. Donc, nous passons à la onzième parole d'exégèse. Elle est d'un imam encore plus récent. On remonte jusqu'à arriver aux savants les plus contemporains. Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah avait dit, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْحَقِّ الْمُبِينِ وَحَكَمَ بِالْبَاطِلِ الَّذِي يَعْلَمُهُ لِغَرَضٍ مِنْ أَغْرَاضِهِ الْفَاسِدَةِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَالْحُكْمُ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْكُفْرِ. C'est-à-dire que c'est une mécréance amali, d'acte, d'œuvre, min a'mali ahli al-kufri, وقد يكون voici le tafsil qui manque au haddadi. Ils doivent chercher cela. Ils doivent donc lever l'ignorance sur eux-mêmes. Voici ce que dit l'imam. فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر وقد يكون كفرا ينقل عن الملة وذلك avec cette condition إذا اعتقد حله وجوازه وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب. Voici l'autre cas où donc jugé par la loi humaine est considéré comme un grand péché, un péché majeur, mais ce n'est pas kufr. وقد يكون كفرا ينقل عن الملة وذلك إذا اعتقد حله وجوازه وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب ومن أعمال الكفر قد استحق من فعله العذاب الشديد. Il avait continué ainsi. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قال ابن عباس كفر دون كفر. Voici le hasard que les haddadis veulent rendre faible, alors que c'est eux qui sont les faibles. قال ابن عباس كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق فهو ظلم أكبر عند استحلاله وعظيمة كبيرة عند فعله غير مستحل له. المصدر تيسير الكريم الرحمن المجلد الأول الصفحات 489 الطبعة الأولى عام 1420 هجرية مؤسسة الرسالة. Traduction de l'explication de l'exégèse de l'imam As-Sidi. Il avait dit, rahimahullah, Abdul Rahman ibn Nasir As-Sidi, rahimahullah, avait dit, et celui qui ne juge pas par ce qu'Allah avait fait descendre, qui est la vérité claire, et qui juge par le fond qu'il sait, pour une de ses fins corrompues, les voici les mécréants. Donc le jugement par ce qu'Allah n'avait pas fait descendre relève des œuvres, al-amal, des œuvres, al-a'mal, relève des œuvres des gens de mécréance. Il peut être une mécréance qui fait sortir de religion s'il croit que c'est licite et permis. Et dans l'autre cas, on voit dans l'autre cas, les haddadis doivent faire très attention à cette parole qui va venir. Il avait dit, et il peut être un péché majeur et un acte de mécréance dont l'acteur mérite un châtiment intense. Et il avait continué ainsi, et celui qui ne juge pas parce qu'Allah avait fait descendre les voici les mécréants, Ibn Abbas, les gens de science recourent à Ibn Abbas, et si Haddadi veut s'enfacer d'Ibn Abbas. Ibn Abbas dit, kufrun duna kufr, une mécréance en deçà de la mécréance, zulmun duna zulm, une injustice en deçà de l'injustice, fisqun duna fisq, une perversité en deçà de la perversité. Donc, c'est une injustice majeure en cas de al-istihlal, c'est-à-dire considérer que c'est licite, là c'est kufr, en cas de al-istihlal. Et c'est un péché majeur au cas de celui qui n'est pas mustahil, qui ne voit pas et qui ne croit pas que c'est permis. Passons maintenant à la parole d'un autre exégète des imams des musulmans, Mohammed Amin al-Shinqiti, rahimahullah. Et à propos de al-Shinqiti, ce Abu Usama al-Asimi, lorsqu'il parlait de Shinqiti, il avait dit, on peut mettre dans un plateau, ou bien sur un plateau, l'imam Shinqiti, et on peut mettre dans l'autre, quelqu'un comme Ibn Baz et Al-Uthaymin. On ne pèse pas les savants comme ça, c'est une insolence à l'égard de Ibn Baz et Al-Uthaymin. On ne parle pas des gens de science ainsi, on respecte tous nos savants, et on les aime, et on fait du'a pour eux, et on ne les insulte surtout pas. On n'insulte pas les savants, on n'insulte pas quelqu'un comme Al-Albani ou Rabi'. On ne les insulte pas parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts pour défendre la sunna. C'est plutôt qu'on leur fait du'a. Donc, محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان الذي دي رحمه الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالخطاب للمسلمين كما هو ظاهر متبادر من سياق الآية وعليه فالكفر إما كفر دون كفر وإما أن يكون فعل ذلك مستحلا له أو قاصدا به جحد أحكام الله وردها مع العلم بها. أما من حكم بغير حكم الله وهو عالم أنه مرتكب ذنبا فاعل قبيحا وإنما حمله على ذلك الهوى فهو من سائر عصاة المسلمين. La référence de cette parole d'explication et d'exégèse de Shinqiti rahimahullah se trouve dans le livre Adwa'ul Bayan fi tafsir al-Qur'an bil Qur'an. Adwa'ul Bayan al-mujallad al-awwal as-safha 432 tab'at Dar al-Fikr Beyrouth 1415. Et l'imam Shinqiti dit dans un autre contexte, dans un autre endroit de toujours de son tafsir, il avait dit rahmallah wa'lam anna tahrir al-maqami fi hadha al-bahth anna al-kufra wal-dhulma wal-fisqa kull wahid minha rubbama utliqa fi al-shar' muradan bihi al-ma'siyah taratan wal-kufr al-mukhrij min al-millah ukhra wa man lam yahkum bima anzala Allah mu'aradatan lir-rusul وإبطالا لأحكام الله فظلمه وفسقه وكفره كلها كفر مخرج عن الملة. ومن لم يحكم بما أنزل الله معتقدا أنه مرتكب حراما فاعل قبيحا فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج عن الملة. Voici ce que dit l'imam Shinqiti. Traduction: Mohammed Amin Shinqiti dit, et celui qui ne juge pas par ce qu'Allah avait fait descendre, voici les mécréants, le discours est adressé aux musulmans, comme c'est apparent et saillant du contexte du verset. Il s'ensuit que la mécréance est soit une mécréance en deçà de la mécréance, soit qu'il le commet tout en étant mustahil, se permettant cela et considérant que c'est licite. Ou bien qu'il vise ainsi à renier les jugements d'Allah tout en les connaissant. Or, celui qui juge, non pas par la loi d'Allah, tout en sachant qu'il commet un péché et qu'il perpètre une mauvaise action et que ce qui le porte à agir de la sorte et la passion, celui-ci fait partie des pécheurs musulmans, non pas des mécréants, oh Haddadi, non pas des mécréants, mais des pécheurs musulmans. Et l'imam continue, donc dans l'autre endroit de son exégèse, il avait dit, rahimallah, et le résultat de cette recherche, voici la quintessence concernant ce verset, le résultat de cette recherche est de savoir que la mécréance, l'injustice et la perversité, chacun de ces termes vient en charia pour signifier tantôt le péché, tantôt la mécréance qui fait sortir de religion. Celui qui ne juge pas par ce qu'Allah avait fait descendre, contrariant les messagers et annulant les jugements d'Allah, celui-ci commet une injustice, une perversité, une mécréance qui font toutes sortir de religion. Alors que celui qui ne juge pas par ce qu'Allah avait fait descendre, tout en croyant qu'il commet un péché, un haram, une mauvaise action, celui-ci contracte une mécréance, une injustice et une perversité qui ne font pas quitter de la religion. Passons maintenant à la 13e parole d'exégèse. Et elle est de Cheikh Mohammed Nasser bin Albani rahimahullah qui avait dit: Wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Wa fihi isharatun ila anna al-wasfa bis-sifatayn laysa wahidan خلافا لمن قال إحداهما في النصارى والأخرى في المسلمين والأولى لليهود. والأظهر العموم واقتصر المصنف على تلاوة الآيتين لإمكان تناولهما المسلمين بخلاف الأولى صديق لفرسي ويليا الكافرون بخلاف الأولى فإنها في حق من استحل الحكم بخلاف ما أنزل الله تعالى. وأما الأخرى الآخرتان فهما لأعم من ذلك. Traduction de cette parole de Cheikh Albani rahimahullah. Il avait dit, et celui qui ne juge pas par ce qu'Allah avait fait descendre, les voici les mécréants, il y a en cela une indication que les deux descriptions ne sont pas sur un même niveau, contrairement à celui qui avait dit que l'une s'applique aux chrétiens, l'autre aux musulmans, tandis que la première concerne les juifs. Or, ce qui est plus apparent est la généralité, et l'auteur s'est contenté d'amener les deux versets, c'est-à-dire celui de Al-Zalimun et celui de Al-Fasiqun, car il pourrait concerner les musulmans, contrairement au premier verset de Al-Kafirun. Il concerne celui qui passe à l'istihlal, c'est-à-dire celui qui juge, contrairement à ce qu'Allah avait fait descendre, tandis que les deux autres, c'est-à-dire les deux autres versets, ils sont plus généraux. Passons maintenant à la 14e parole d'exégèse. وَقَدْ عَلَّقَ سَمَاحَةُ الشَّيْخِ الْعَلَّامَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَازِ في كلمة على كلمة العلامة محمد ناصر الدين الألباني السابق رحمه الله. قال ابن باز رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد اطلعت على الجواب المفيد الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وفقه الله المنشور على الجواب المنشور في صحيفة المسلمون الذي أجاب به فضيلته من سأله عن تكفير من حكم بغير ما أنزل الله من غير تفصيل، فألفيتها كلمة قيمة أصاب فيها الحق وسلك فيها سبيل المؤمنين، وأوضح وفقه الله أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله بمجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه. Écoutez cela, s'il vous plaît. Surtout donc les haddadi, alors que nos frères, on sait qu'inshallah ils veulent le bien et ils veulent al-haq. Donc l'imam Ibn Baz, il avait dit, بيّن أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله بمجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه، واحتج بما جاء في ذلك عن ابن عباس، استدير شيخ الألباني، احتج بما جاء في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره من سلف الأمة. ولا شك أن ما ذكره في جوابه في تفسير قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، لا شك أن هذا هو الصواب. وقد أوضح أن الكفر كفران أكبر وأصغر، كما أن الظلم ظلمان، وهكذا الفسق فسقان أكبر وأصغر. فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو الزنا أو الربا أو غيرها من المحرمات المجمع على تحريمها فقد كفر كفرا أكبر، وظلم ظلما أكبر، وفسق فسقا أكبر. ومن فعلها بدون استحلال كان كفره كفرا أصغر وظلمه ظلما أصغر. المرجع رسالة فتنة التكفير، تعليق الشيخ ابن باز على الصفحة الموجود بالصفحتين 13 و 14. Traduction de cette parole. Cheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, rahimahullah, avait dit: en commentaire de la conférence donnée par Cheikh Al-Albani et qui fut publiée dans la revue Al-Muslimoun. Il avait dit, et j'ai trouvé que c'était une intervention instructive, où il a eu, c'est-à-dire Cheikh Al-Albani, où il a eu raison et suivi le sentier des croyants, et il montra qu'Allah lui accorde succès. Il montra qu'il n'est pas permis à quiconque parmi les hommes de déclarer mécréant celui qui juge parce qu'Allah n'avait pas fait descendre pour le seul fait de l'avoir commis sans qu'il sache par là, sans qu'il sache, c'est-à-dire celui qui rend mécréant, sans qu'il sache qu'il se l'aurait permis par le cœur, istahalla. Et il avait donné, c'est-à-dire Cheikh Albani, et il avait donné comme argument à cela ce qui avait été rapporté d'Ibn Abbas, ainsi que d'autres salafs de la Umma. Le Cheikh parle du Athar que les Takfiris veulent annuler et veulent affaiblir coûte que coûte, à savoir l'explication d'Ibn Abbas, kufrun duna kufr. Fin de cette parenthèse. Et Cheikh Ibn Baz ajouta, et il n'y a nul doute que ce qu'il cita, c'est-à-dire Cheikh Albani, en réponse sur le tafsir de la parole d'Allah Ta'ala, à savoir, et celui qui juge parce qu'Allah n'avait pas fait descendre, les voici les mécréants, et dans l'autre verset, les injustes, et dans le troisième verset, les pervers. Ce qu'il avait cité est sans doute est le vrai, as-sawab. Et il avait montré, il continue à commenter la parole de Albani, et il avait montré que la mécréance est de deux types, majeure et mineure, et que l'injustice est aussi de deux types, et idem de la perversité, majeure et mineure. Celui qui croit que le jugement, parce qu'Allah n'avait pas fait descendre, ou bien que la fornication, c'est-à-dire ses péchés, ou encore l'usure, ou d'autres interdits sur lesquels il y a unanimité, celui pour qui l'une de ces choses est il croit que c'est permis, il aurait ainsi contracté la mécréance majeure, l'injustice majeure et la perversité majeure, tandis que celui qui les commet, mais sans istihlal, sa mécréance, son injustice et sa perversité sont mineures. Passons maintenant à la 15e parole d'exégèse, et elle est de Al-Lajnat Daima. سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفرا أكبر وتقبل منه أعماله فأجابت قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزا فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر يخرج من الملة. Regardez le tafsil. Donc les Haddadi disent que parmi leurs références et ceci, cela, et Lajna. Et Lajna, voici sa position et elle ne se contredit pas. Voici une fatwa de Lajna d'Aim al-Ifsa. Il y en a d'autres. Par Allah, il y en a d'autres. Où il y a ce tafsil. Donc, le jeune dit, لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزا فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر يخرج من الملة. أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم يعتبر كافرا كفرا أصغرا وظالما ظلما أصغرا وفاسقا فسقا أصغرا لا يخرجه من الملة كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الرئيس عبد العزيز بن باز نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي عضو عبد الله بن غديان وهذه الفتوى موجودة في بحوث اللجنة الدائمة للإفتاء المجلد الأول الصفحة 780. Traduction de cette fatwa du comité permanent de la recherche scientifique et de l'IFSA, qui fut interrogé, celui qui ne juge pas par ce qu'Allah avait fait descendre, est-il musulman ou aurait-il contracté la mécréance majeure? Et est-ce que ses œuvres seront acceptées de sa part? La réponse de Al-Lajna, elle dit, Allah Ta'ala dit, et celui qui ne juge pas par ce qu'Allah avait fait descendre, les voici les mécréants, verset 44. Les voici les injustes, au verset 45. Et les voici les pervers, au verset 47. Cependant, regardez bien ce cependant. Cependant, s'il se permet cela, et le croit ici, il mécroit d'une mécréance majeure, d'une injustice majeure et d'une perversité majeure qui font sortir de religion. Et s'il le commet à cause de pots de vin ou un autre objectif, tout en croyant l'interdiction de cela, il est pécheur, il est considéré comme mécréant d'une mécréance mineure, injuste, d'une injustice mineure et pervers, d'une perversité mineure, qui ne le font pas sortir de la religion, comme les hommes de science avaient clarifié cela dans l'exégèse des 10 versets. Et le succès ne vient que d'Allah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa alihi wa sahbihi wa sallam, et cette fatwa est signée par Ibn Baz, Afifi, Ibn Urdiyan. Et voici, il y a une autre fatwa, toujours de Al-Lajna Da'ima. Dans une fatwa, toujours au volume numéro 1, les pages 780-782, émises par Cheikh Ibn Baz, Afifi Ibn Qa'oud. Nous trouvons ces passages en relation avec notre thème et avec notre sujet. Al-Lajna dit en arabe, d'abord le texte, « وَالتَّحَاكُمُ » يكون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن لم يتحاكم إليهما مستحلا التحاكم إلى غيرهما من القوانين الوضعية بدافع طمع في مال أو جاه ici مستحل c'est pas مستحل qui rend mécréant, c'est-à-dire qui se permet cela mais pour cette cause, pour ce dessin justement, بدافع طمع في مال أو جاه أو منصب فهو مرتكب معصية وفاسق فسقا دون فسق ولا يخرج من دائرة الإيمان. Traduction. اللجنة ou bien le comité avait dit, il faut recourir au livre d'Allah Ta'ala et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam pour trancher les différends. Et celui qui se détourne de ces deux sources pour chercher un jugement autre, s'il se permet cela pour un penchant vénal d'argent, de renommée ou d'un poste, celui-là commet un péché majeur. Il est pervers d'une perversité mineure et il ne sort pas du domaine de la foi. Fin des propos de Al-Lajna. Et à présent, nous allons montrer quelques paroles de savants attestant que ce sont les Khawarij qui jugent de la mécréance majeure de celui qui juge parce qu'Allah n'avait pas fait descendre. Le premier propos est de Abu al-Muzaffar al-Sam'ani rahimahullah. Il avait dit, voici le texte d'abord en arabe. وَعْلَمْ أَنَّ الْخَوَارِجَ يستدلون بهذه الآية ويقولون من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر وأهل السنة قالوا لا يكفر بترك الحكم انتهى كلامه رحمه الله. La référence. تفسير القرآن المجلد الثاني الصفحة 42 طبع إصدار الوطن الرياض عام 1400 و18 من الهجرة. traduction de la première parole qui est de As-Sam'ani, Abu al-Muzaffar As-Sam'ani, rahimahullah. Il avait dit, et sache que les Khawarij amènent ce verset comme argument et ils disent, celui qui ne juge pas parce qu'Allah avait fait descendre et mécréant, c'est-à-dire la mécréance majeure, ils veulent, et mécréant. Or, les gens de la Sunna avaient dit, ils ne mécroient pas pour avoir délaissé ce jugement. Fin de sa parole, rahimahullah. Et maintenant, une deuxième parole qui est de Al-Ajri. Al-Imam Al-Ajri, rahimahullah, avait dit, voici le texte en arabe. ومما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله عز وجل قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ويقرؤون معها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر ومن كفر عدل بربه فقد أشرك فهؤلاء الأئمة مشركون انتهى كلامهم فيخرجون أو فيخرجون فيفعلون ما رأيت لأنهم يتأولون هذه الآية المصدر كتاب الشريعة للآجري الصفحات 35 و34 الطبعة الثانية عام 1420 للهجرة طبعة دار الكتاب العربي بيروت. Traduction de la parole de l'imam Al-Ajri et qui se trouve dans son livre fameux et très connu et qui est Al-Sharia. Il avait dit, rahimallah, et parmi les choses que Al-Haroriya, c'est-à-dire les Khawarij, suivent parmi Al-Mutashabih, c'est-à-dire les versets qui sont dans Al-Qur'an et qu'il faut ramener vers d'autres versets qui sont Al-Muhkam afin d'élucider le sens des premiers qui sont Mutashabih. Donc, l'imam Al-Ajri avait dit, et parmi les choses que Al-Haroriya suivent parmi Al-Mutashabih, ils suivent la parole d'Allah Azza wa Jal et celui qui ne juge pas parce qu'Allah avait fait descendre les voici les mécréants. Et ils lui joignent ceci, c'est-à-dire un fragment du premier verset de la sourate Al-An'am, les bestiaux. Ils disent, ce verset, ils le prennent aussi pour argument, alors qu'il est de Al-Mutashabih. Ils disent, et pourtant, les mécréants donnent des égaux à leur Seigneur. Donc, comment ils raisonnent ces haroriyas toujours? Donc, s'ils viennent avoir l'imam jugé par ce qui n'est pas le vrai, il s'écrit, voilà comment il raisonne, il s'écrit comme ça, ils disent, il a mécru, et celui qui mécroit donne un égal à son Seigneur, donc il associe, il s'ensuit que ces imams sont des associateurs, fin de leur propos, par conséquent, ils sortent, ils font un khuruj, ils sortent et commettent ce que tu as vu. Voilà comment les imams font le conseil aux débutants et aux jeunes. Ils font le conseil surtout aux étrangers, les ajim. Et commettent ce que tu as vu, car ils interprètent ce verset. Ils l'interprètent faussement. Donc, la troisième parole est d'un autre imam. Abu Omar, ibn Abdelbar, rahimahullah ta'ala, قال وقد ضلت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب فاحتجوا بهذه الآثار ومثلها في تكفير المذنبين واحتجوا من كتاب الله بآيات ليست على ظاهرها مثل قوله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. C'est un slogan pour les Khawarij, ce verset, c'est, ils le prennent pour slogan parce qu'ils le comprennent d'une manière banale. À vrai dire, ils le comprennent d'une manière banale. Donc, ils prennent les choses, ils ne recourent pas aux savants. D'ailleurs, les Haddadi, ils insultent les savants. Et ils prennent donc leur compréhension à eux des versets du noble livre d'Allah Azza wa Jal. Donc cet imam il cite parmi des versets que donc Al-Khawarij et Al-Mu'tazila brandissent comme leurs propres arguments. Voilà que ce qu'ils disent. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَيْكُمُ الْكَافِرُونَ وَقَوْلُهُ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ فِي سُورَةِ الْحُجُرَاتِ وَقَوْلُهُ إِنَّ ظَنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ فِي سُورَةِ الْجَاثِيَةِ وَقَوْلُهُ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. Regardez comme ils prennent des fragments, de petits fragments qui font partie de tout un verset et ils l'interprètent comme ils veulent. Et aussi قوله وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا في سورة الكهف ونحو هذا. وروي عن ابن عباس في قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال ليس بكفر ينقل عن الملة ولكنه كفر دون كفر. المصدر التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد المجلد 17 طبعة مؤسسة قرطبة. Traduction de cette parole de l'imam Ibn Abd al-Barr. Il dit: il y a un groupe parmi les gens d'innovation, parmi les Khawarij et les Mu'tazilites, se sont égarés dans ce chapitre. Alors, ils argumentèrent par ces affaires, par ces textes, et par d'autres qui sont similaires pour conclure au takfir des pécheurs. Et ils ont pris comme argument du livre d'Allah des versets qui ne sont pas à prendre selon le sens apparent, comme la parole d'Allah Azza wa Jal, et celui qui ne juge pas par ce qu'Allah avait fait descendre, les voici les mécréants. Et sa parole, Azza wa Jal, sinon vos œuvres deviennent vaines sans que vous vous en rendiez compte. Remarquez aussi que c'est encore une partie de verset, en l'occurrence le verset 2 de la surat Al-Hujurat, les appartements. Et sa parole, Azza wa Jal, et nous ne faisions à son sujet que des conjectures et nous ne sommes pas convaincus. C'est-à-dire au sujet de l'heure. Et nous ne faisions à son sujet que des conjectures, des hypothèses, des conjectures, et nous ne sommes pas convaincus. Ce qui est aussi une partie du verset 32 de Al-Jafiyah, la genouillée. Et sa parole, Azza wa Jal, ils ne font que se livrer à des conjectures. Une partie du verset 20 de la surat Az-Zukhruf, l'ornement. Et sa parole, Subhanahu wa ta'ala, et alors qu'il s'imagine faire le bien, qui est une partie du verset 104 de la surat Al-Kahf, la caverne, et ainsi de suite. Et il fut rapporté d'après Ibn Abbas, concernant la parole d'Allah Azza wa Jal, et celui qui ne juge pas par ce qu'Allah avait fait descendre, les voici les mécréants, il dit, c'est-à-dire Ibn Abbas, ce n'est pas une mécréance qui fait sortir de la religion, mais c'est une mécréance en deçà de la mécréance. Fin de la parole d'Ibn Abd al-Barr. Et nous allons passer à la parole d'un autre savant, à savoir Abu Hayyan al-Andalusi, rahimahullah, qui avait dit « احتجت الخوارج بهذه الآية على أن كل من عصى الله تعالى فهو كافر وقالوا هي نص في كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر وكل من أذنب فقد حكم بغير ما أنزل الله فوجب أن يكون كافرا. انتهى كلامه رحمه الله. المرجع تفسير البحر المحيط المجلد الثالث الصفحة 505 الطبعة الأولى عام 1422 للهجرة دار الكتب العلمية بيروت. Traduction de la parole de Abu Hayyan al-Andalusi rahimahullah. Il avait dit, les Khawarij avaient pris ce verset comme argument pour défendre que quiconque désobéit à Allah Ta'ala est donc mécréant. Et ils dirent, c'est un texte, c'est-à-dire nos, comme le prennent en son lieu, en nos. C'est-à-dire qu'il y a une seule signification. C'est un texte, nos. Pour n'importe qui juge parce qu'Allah n'avait pas fait descendre et qu'il serait donc mécréant. Et tout un chacun qui commet un péché à juger parce qu'Allah n'avait pas fait descendre, il doit donc être mécréant. Fin de sa parole, rahimahullah. Et nous terminons par une parole du Cheikh Saleh bin Abdel Aziz, al-Cheikh, hafidahullah ta'ala. Il avait dit, التكفير خاض فيه الخوارج وهم أول الفئات التي خاضت في هذا الأمر والصحابة رضوان الله عليهم أنكروا عليهم أبلغ الإنكار بل عدوهم رأس أهل الأهواء وأول مسألة خاض فيها الخوارج وسببت التوسع في التكفير هي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله حيث احتجوا على علي وكانوا من جيش علي احتجوا عليه بأنه حكم الرجال على كتاب الله لما حصلت واقعة التحكيم بين أبي موسى الأشعري وبين عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقالوا أي الخوارج فقالوا حكم الرجال على كتاب الله فهو كافر فكفروا عليا استدلالا بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Regardez comment réfléchissent ces خوارج والله المستعان. Le Cheikh continue. فذهب إليهم ابن عباس يناظرهم حتى احتج عليهم بقول الله فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما في سورة النساء الآية 35. فرجع ثلث الجيش وبقي طائفة منهم على ضلالهم وظهرت فرق كثيرة من الخوارج فيدلك على قبح الخوض في هذه المسألة بغير بلا علم أنها شعار أهل الأهواء أعني الخوارج وهم أول فرقة خرجت في هذه الأمة وخالفت الجماعة ولا شك أن التزام نهج أتقى أهل الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المتعين. انتهى كلامه حفظه الله. المرجع إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل الشريط 26. Traduction de la parole du ministre de l'Awqaf Saleh bin Abdel Aziz al-Sheikh Hafidahullah. Il avait dit, et le premier point dans lequel les Khawarij avaient donné était celui du jugement parce qu'Allah n'avait pas fait descendre. Et cela a engendré l'élargissement dans le sujet de At-Takfir, c'est-à-dire rendre les gens mécréants, puisqu'ils avaient avancé comme preuve, c'est-à-dire ces Khawarij, ils avaient avancé comme preuve contre Ali, radiallahu anhu. Contre Ali, ils avaient avancé comme quoi il avait désigné des juges au lieu du livre d'Allah. C'est-à-dire, quand la question ou l'incident de At-Tahkim, l'arbitrage, fut entre Abi Moussa al-Ash'ari et entre Amr ibn al-As, radiallahu anhuma, les Khawarij avaient dit, il, c'est-à-dire Ali, il avait pris des hommes comme juges au lieu du livre d'Allah. Il est donc mécréant. Fin de leur propos. Ils avaient rendu Ali mécréant tout en amenant la parole d'Allah et celui qui ne juge pas parce qu'Allah avait fait descendre. Les voici les mécréants. Ibn Abbas était parti les voir et débattre contre eux. Il leur avait posé comme argument le verset d'Allah Azza wa Jal que nous traduisons ainsi. Envoyez alors un arbitre de sa famille à lui et un arbitre de sa famille à elle. Si les deux veulent la réconciliation, Allah rétablira l'entente entre eux. Surat An-Nisa, les femmes, verset 35. Alors, le un tiers de l'armée, c'est-à-dire des Khawarij, avaient changé de position, et une partie d'entre eux ont tenu à leur égarement. Et plusieurs groupes sont apparus au sein de Khawarij. Oui, certes, plusieurs groupes sont apparus au sein même des Khawarij, comme Al-Haruriya, comme Al-Azariqa, comme Al-Khawarij Najdat, et ainsi de suite. Et à notre époque, beaucoup de groupes qui sont sortis du manteau de Al-Ikhwan Muslimoun, comme Al-Hijra Al-Takfir, et ainsi de suite. Et dernièrement, la secte dite Al-Haddadiyya. Le cheikh continue. Cela te montre la laideur qu'il y a dans le fait de parler de cela sans science. Oui, les Haddadi parlent sans science dans ces sujets qui sont très dangereux, très difficiles. Quant à nous, nous ne faisons que traduire les paroles des gens de science. Et nous suivons leur compréhension. On n'est pas en train d'inventer des choses de nous-mêmes. Alors que ces gens sont, ils se permettent de pérorer et de théoriser et de dire je pense et je crois. Qui es-tu? Chez qui tu as étudié pour dire je pense et pour donc répondre à des questions qui sont extrêmement difficiles qu'il fallait poser à un savant, non pas à un muta'alim, Allah yahdik. Cheikh Saleh avait dit, cela te montre la laideur qu'il y a dans le fait de parler de cela sans science. Du fait que c'est un slogan des gens de passion. Cette question, c'est un slogan des gens de passion. Je veux dire les Khawarij. Et c'était la première secte étant apparue dans la Umma, ayant ainsi contredit Al-Jama'a, le groupe que le prophète lui-même avait fondé. Le groupe. Donc vous osez comme eux digresser et faire cet égarement, tout cet égarement. Nas'Allah lakum hidayah. Quant à nos frères qui ont été leurrés et qui ont été dupés par ces gens qui leur avaient dit ceci et la croyance de Al-Sunnah, on les incite et on les invite à chercher la croyance de Al-Sunnah Jama'a sérieusement et courageusement pour être sur la bonne voie. Le cheikh avait conclu ainsi, il avait dit, et c'était la première secte étant apparue dans la Umma, ayant ainsi contredit à jamais à le groupe. Et il ne fait aucun doute que s'accrocher à la voie des plus pieux, c'est-à-dire les sahaba, des plus pieux sur terre, après le message, sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà où réside notre devoir, s'accrocher à cela. C'est là où réside notre devoir. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Et nous allons faire suivre ce travail par un autre travail aussi important à notre sens, à savoir la traduction des paroles des gens de science, des savants, cette fois quant à la question de tahkim al-qawaneen. Aqwal ulama al-salafiyin fi hukmi man hakkam al-qawaneen.